Là c'est Judas, c'est Mifa, viens par ici, ça rappe fort frère. Deuxième mesure déjà, l'équipe d'en face déclare forfait. On pète la forme, ouais, on vient t'informer. Devant le mic on est formel, Rimpel, Shine, métaphore mec. Reste cool, c'est que le début d'un attentat sonore. Simple, efficace, sur ma mixtape y'aura 20 sonores chargés à bloc. Y'a des MC qui face à moi sont morts, j'perds pas mon temps car c'est de l'oseille. Chez moi tout le monde attend son heure. Les jeunes font du bif avec un taf de manutentionnaire. Ici le temps est gris et même cet été y'a pas eu tant de soleil. Alors j'me pète le crâne et j'effrite la matière grasse. Après ça je gratte, c'est pas de ma faute, il pleura matière grave. J'tiens ma parole comme un mic et je vise toutes ses têtes. On déboule des terres, si t'entends boum t'es dead. Et si t'évites la mort, alors goûte la défaite. Ce qui tue pas rend plus fort, mais face à nous tu restes faible. On veut le premier rôle, on veut pas finir figurant. Bande l'altitude, on veut pas finir titubant. On croit qu'on va s'effiler avant le clap de fin. Surtout n'arrête pas de filmer le fait qu'on meurt de faim. Zoom tape un gros plan, nous sommes les cascadeurs. Comme Jackie Chan et Jet Li, c'est nous les castagneurs. Voilà, je me fais entrer dans une autre dimension. Je tire un lard et je me mets en mode démolition. Boum, tes enceintes se déchirent sous la déflagration. Les vitres de ton appart se brisent par ton éclat. Fais attention, baisse-toi, y'a des snipers postés sur les toits. Tu n'as plus qu'à compter sur ta bonne étoile. T'es cerné, y'a Riva, le général en chef. Et Judas, exécuteur qui te laisse en stress. La lame de mon couteau vient épouser ta peau. Bim bim, je te mets au défi de nous mettre au tapis. Comme toutes les troupes africaines au Mali, on gagne du terrain et ce n'est pas une anomalie. Chez nous c'est Platoon, Apocalypse Now. Ça se cartonne dans les saloons et ça frappe dans les barreaux. Ouais t'emmènes pas large, pas haut. Mec t'es minuscule, on te laisse sur le carreau. On veut le premier rôle, on veut pas finir figurant. Bande l'altitude, on veut pas finir titubant. On croit qu'on va se défiler avant le clap de fin. Surtout n'arrête pas de filmer le fait qu'on meurt de faim. Zoom tape un gros plan, nous sommes les cascadeurs. Comme Jackie Chan et Jet Li, c'est nous les castagnards. On veut le premier rôle, on veut pas finir figurant. Bande l'altitude, on veut pas finir titubant. On croit qu'on va se défiler avant le clap de fin. Surtout n'arrête pas de filmer le fait qu'on meurt de faim. Zoom tape un gros plan, nous sommes les cascadeurs. Comme Jackie Chan et Jet Li, c'est nous les castagnards.